Le Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang a abrité le 15 une conférence de presse avec Ko Hyun-chol, mercenaire du Centre de renseignement sud-coréen, arrêté en flagrant délit au cours du crime contre notre République. Y ont pris part les journalistes de la presse écrite et parlée du pays, de la Tsongyeon, Association générale des Coréens restant au Japon, les envoyés spéciaux étrangers, ainsi que les diplomates de divers pays et les représentants des institutions internationales en Corée. Y ont figuré comme observateurs les compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste. Ko Hyun-chol, qui s'était réfugié en Corée du Sud à la recherche du bien-être personnel et de l'argent, a avoué en détail qu'il est entré dans notre République avec la mission de recueillir des renseignements restants de notre République et d'enlever les enfants sous la manipulation secrète du Centre de renseignement sud-coréen et des États-Unis avant son arrestation par un organisme intéressé. À la conférence de presse, il y a eu les explications sur les pièces probantes comme canot pneumatique, pompe à air, habits pour enfants et portables confisqués lors de l'arrestation du criminel, ainsi que des données. Finalement, il y a eu les questions-réponses.